les trésors de Constantinople. L'empereur Murzufle était venu camper devant l'assaillant, sur une place, avec toutes ses forces, et avait dressé ses tentes vermeilles. L'affaire en resta là jusqu'au lundi matin. Alors, s'armèrent ceux des nefs et des huissiers et ceux des galères. Et ceux de la ville les redoutaient moins que la première fois. Ils étaient si joyeux que sur les murs et sur les tours, partout, il y avait des gens. Et alors commença l'assaut, farouche et merveilleux, et chaque vaisseau attaquait droit devant lui. La clameur de la bataille était si grande qu'il semblait que la terre s'abîma. L'assaut dura ainsi longtemps, jusqu'à ce que notre Seigneur leur fit lever un vent qu'on appelle boire, qui jeta nefs et vaisseaux plus près du rivage qu'ils n'étaient auparavant. Et deux nefs liées ensemble, dont l'une avait nom la Pèlerine et l'autre le Parvis, s'approchèrent tant de la tour, l'une d'un côté, l'autre de l'autre, comme Dieu les mena et le vent, que l'échelle de la Pèlerine joignit la tour. Aussitôt, un Vénitien et un chevalier de France, qui avaient nom André d'Urboise, entrèrent dans la tour, et d'autres commencent à y pénétrer après eux, et les gens de la tour se débandent et s'enfuient.